Les Huskies de Rouyn-Noranda ont remporté la victoire hier 7-2 dans le cinquième match de la Ligue de hockey junior majeur du Québec contre les Cataractes de Shawinigan. Et on est bien fiers pour une deuxième fois. Il y a eu Shane Gauthier cette semaine qui nous a fait triper avec repêché par les Bombers de Winnipeg dans les Canadiennes. Et là, maintenant, c'est l'instructeur-chef Gilles Bouchard des Huskies de Rouyn-Noranda et natif de Normandin. Salut Gilles! Salut! Hey, t'as l'air, tu t'es couché? Le bonheur un matin où il y avait bien du monde qui devait, à l'heure que les gens se lèvent, j'imagine. Ouais, bon, c'était pas super bien de rentrer à 5 heures, là, mais j'entendais des petits oiseaux. OK. Hey, Gilles, c'est fini en 5 matchs. Beaucoup d'experts prédisaient 7 matchs. Mais ça a été quand même, à part le match d'hier, c'était très, très serré. Là. C'était comme oui que ça aurait pu quasiment aller autant d'un bord que de l'autre. Puis la série, ça aurait pu arriver qu'elle soit pas finie du tout, là. Oui, c'était des bons matchs, là, mais je pense que quand les Huskies jouent à la hauteur de leur talent, de leur niveau, je pense qu'on avait un avantage. On avait un avantage sur Shawinigan. Mais écoute, c'est une série qui aurait pu quand même aller d'un bord et de l'autre, mais on a remporté des matchs importants chez nous en partant, ça nous a donné du momentum. Puis, on a échappé le match numéro 4 à Shawinigan. Ouais. C'est qui retente que hier, c'était toute une performance de notre équipe. Là. Ça a été. On a vraiment donné du début à la fin. Jusqu'à quel point que c'était quand même. Il y avait, oui, vous meniez 3-1, mais là, il y avait quand même une certaine pression de remporter hier. Parce que par la suite, on retourne à Shawinigan, puis on sait pas ce qui peut se passer. Puis on peut virer un match 7. Là. C'était important hier, de le remporter ouais. Hier. Là. Très important hier. Puis, tu ne gagnes pas hier. Ben oui. 3-2, tu t'en vas chez Onigan. Fait que, c'était pas la meilleure situation, mais les gars, ils avaient décidé d'en terminer hier. Puis, ils étaient pas tous à peu de soir, les Huskies ouais, hier. Ouais, ouais. Ils ont vraiment joué la Huskies game pendant 60 minutes. Puis, c'était formidable. Là, puis, il y avait de l'ambiance ici, mon ami, là, j'aurais même pas cru à ça, là, le bruit qu'il y avait dans l'amphithéâtre. C'était une soirée extraordinaire pour nos joueurs, l'organisation. On a écouté ça. Est-ce qu'Edith a monté à Rouyn-Noranda hier, Edith et Daniel? Non, ils sont venus. Ouais, ça, je le savais, ça. Il aurait bien aimé ça être là hier. Alors, c'est pas à côté, là, tu sais. A.G. Greer, on a parlé beaucoup des autres joueurs, mais A.G. Greer, que tu es allé chercher, il a joué un rouage quand même important dans cette série-là. Ah, c'était tout un roi, là. Ouais. C'est un gars qui est tellement fort physiquement, c'est un gars qui dérange, c'est un gars qui. Il veut rien savoir, il veut gagner, il regarde pas qui est sa glace. Lui, là, il fait sa job, il rentre au net, derrière le goaler. Il marque des buts importants. Fait qu'il a été un roi important pendant toutes les séries que nous autres. C'était un gros bonhomme, c'était le genre de joueur qu'on avait besoin. C'était un cadeau du ciel qui a décidé de s'emmener avec nous autres à partir de maintenant. Ben oui. Hey, ça veut signifier quoi cette Coupe du Président-là pour les Huskies de Rouyn-Noranda? Puis pour le hockey en Abitibi, de ce que je me rappelle, Val-d'Or avait gagné le 2 ans avec Anthony Manta. 2012-2013 avec Anthony Manta, c'était contre Bécomo. Mais pour le hockey là, à Rouyn-Noranda, en Abitibi, ça signifie quoi cette participation-là à la Coupe du Président? C'est pas facile de faire du hockey. C'est pas facile de faire du hockey en région éloignée. Moi, je te disais tout le temps la blague, c'est que tu t'en vas faire à Rouyn-Noranda. Et J. Greer, j'ai demandé, je te rappelle, j'ai dit, mais comment t'as fait pour faire partir un gars de Boston pour l'envoyer à Rouyn-Noranda? Mais le fait que, tu sais, ça a un impact incroyable, j'imagine, cette victoire-là. Là. Ouais, cette année, c'est une visibilité incroyable pour Rouyn, en Abitibi, là, à travers le Canada. Tu sais, on a fini premier au Canada, premier dans Q. Cette année, c'est phénoménal ce qui se produit. Tu sais, on est un petit marché. Ouais. Bon, on est un petit marché avec des installations. Tu sais, là, si tu verrais nos installations ici, là, tu pognerais de quoi? Les jeunes qui veulent pas être échangés, ils sont bien à Rouyn, ils sont bien encadrés. On a des. Tu sais, c'est vraiment un setup extraordinaire qu'on a ici. Puis, écoute, on éduque nos jeunes, on drape des gars qu'on développe, on les garde avec nous autres, on fait le moins d'échanges possible. Puis, une des raisons pour notre succès comme équipe. À quelque part, il faut c'est vendeur, puis il faut que vous travaillez différemment que les gros marchés comme les Remparts. T'sais, ça doit être alléchant pour un jeune de vivre à Québec avec les Remparts, puis ainsi de suite. Là. J'imagine qu'on ouais. C'est pas la même situation, mais écoute, nos jeunes sont fiers de jouer ici, puis c'est vraiment ça qui est le plus important. Là. Les jeunes, ils sont dédiés pour l'organisation, pour... Okay. Les partisans, c'est comme ça que ça. Là, c'est bien beau tout ça, mais là, c'est probablement que le travail est loin d'être terminé. Vous avez eu votre laissez-passer pour Red Deer. J'imagine qu'on fête aujourd'hui, mais après ça, quand est-ce qu'on s'en remet vraiment là, pour vraiment au travail? Oh, on s'en remet, on donne 48 heures à nos gars. Demain, on entraînement en glace samedi après-midi. On est sur la glace dimanche. Optionnel lundi, ça a de l'as mardi, puis on part pour Red Deer mercredi. Ça ressemble un petit peu à ça. Okay. Mais les gars, ils savent. On tourne la page, puis on recommence. Il nous reste une mission complète, et c'est ça qui n'est pas un objectif. Okay. Dans l'Ouest, je suis en train de regarder, c'est les Knights de London. C'est une équipe vraiment, en Ontario, c'est une équipe qui va représenter l'Ontario. C'est une équipe de tradition avec les frères Hunter, là. Et j'imagine que... C'est une équipe de tradition. Oui, et dans l'autre série... Danny, ça joue sur la glace. Écoute, nous autres, on arrive là-bas à Tinton. Okay. On a gagné avec le président, puis il nous manquait deux joueurs importants, deux gars repêchés dans la Ligue nationale. Jean-Christophe Baudin et Jérémy Lauzon. Probablement que les deux devraient être de retour pour la Coupe Memorial. Fait que, tu sais, on a de la profondeur. On a prouvé qu'on pouvait gagner sur eux autres, puis on va les avoir, nous autres, à la Coupe. Donc... on arrive là-bas à Tinton, on verra ce qui va arriver. C'est quoi la préparation? Bon, j'imagine que là, vous autres, vu que c'est pas la même ligue, comment tu prépares tes équipes? Là, j'imagine que tu vas regarder des films des Knights de London. Dans l'Ouest, ça se décide ce soir, j'imagine, là? Tu sais, moi, j'ai un entraîneur adjoint qui vient d'Ontario, fait qu'il y a des contacts. On a déjà du pre-scouting par rapport aux tendances des équipes qui sont à Montréal. Fait qu'on fait nos devoirs tranquillement par rapport à ça, puis... Le reste, ben c'est d'avoir un bon plan parce que tu peux pas t'en aller là-bas, puis tu sais, faut que t'ailles. Moi, je vais être entraîneur là-bas, je vais avoir un GM, Mario Duhamel, qui va s'occuper vraiment de la coordination des hôtels, les repas, les déplacements, les demandes, les ci, les ça. André Tourigny va être le pivot par rapport à tout ça. Faut vraiment avoir un plan pour... Si on part là-bas pendant 13-14 jours, puis... Il faut savoir ce qu'on a à faire pour pas qu'on tombe dans le coup. Gilles, une de tes connaissances de Normandin, Éric Tremblay, une de tes bonnes connaissances qui a joué au hockey avec toi en passant, là, il m'a dit, j'ai fait une prédiction, puis il dit ça. Moi, quand il m'a dit ça, j'ai parti à rire, j'ai dit lâche la drogue. Il dit Gilles Bouchard va être l'entraîneur-chef d'ici 3 ans du Canadien de Montréal. Il est parti en grand. Hein? Non, mais à quelque part, tu y penses-tu? Tu pensais à ça des fois, là, pas du tout. Moi, non, je toujours le jour. Puis, first, quand tu es un Québécois, pour aller dans l'international, il faut vraiment que tu maîtrises l'anglais comme il faut. Là. Ouais. Tu peux parler en anglais, mais il faut que tu sois meilleur. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est de maîtriser. Je veux continuer à améliorer en anglais, puis par la suite, là. Écoute, on verra les offres que j'aurai à un moment donné, mais je suis vraiment pas pressé, je pense vraiment pas ça. Oui, c'est sûr. Gilles, gros, félicitations, bravo, c'est un entraîneur-chef de l'année, directeur général de l'année, une grande première, là, tu t'en vas à la Coupe Memorial, on va se reparler quand tu seras à Red Deer. Parfait, l'instructeur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda est natif de Normandin, Gilles Bouchard.